À l'occasion du jour de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, le gouvernement coréen a offert le vide-coron à l'hôtel Koryo de Pyongyang, un banquet en l'honneur des délégations et délégués des organisations d'études des études jetées. Y ont été invités surtout Harishi Gupta, administrateur général adjoint de l'Institut international des études jetées et sa suite. Y ont pris part également Kim Ginam et autres officiels intéressés.